بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. On loue Allah subhanahu wa ta'ala, on le remercie de nous donner l'occasion d'évoquer son nom, Jalla fi'ulah, et de nous réunir pour cela, afin de nous recommander mutuellement la vérité, ainsi que la patience, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, « Wal asri, inna l'insana la fi khusr, illa alladhina amanu wa aminu salihat, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bil sabr. » Par le temps, l'homme est certes dans la perdition, sauf ceux qui croient, font de bonnes œuvres, se recommandent mutuellement la vérité, et se recommande mutuellement la patience. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les djinns et les hommes pour qu'ils l'adorent. Il a dit, Jalla wa ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est donc dans cela que réside la sagesse pour laquelle il a créé les djinns et les hommes, afin qu'ils l'adorent. Et il est donc impératif de connaître cette sagesse-là, de connaître le but pour lequel on a été créé. Et cela nécessite de l'apprentissage, afin que tu connaisses. Et la connaissance ne vient qu'avec l'apprentissage. Et la connaissance ne vient qu'avec l'apprentissage. Il est donc important et impératif d'apprendre. Et les textes qui font état de l'importance et du mérite de la science, ils sont très nombreux. Et les ulama, qui sont les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont les héritiers des prophètes alayhi wa sallam, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit d'eux, et les ulama sont les héritiers des prophètes, et les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar ni dirham, mais ils ont laissé la science. Celui qui s'en empare a donc mis la main sur une part énorme. Et les ulama, donc, ils ont appris cette science qu'ils ont hérité du prophète Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, et ils l'ont transmise. Et ils ont également incité leurs prochains à apprendre cette science-là, de la même manière que eux l'ont apprise. Et ils ont expliqué, à la lumière des textes du Coran et de la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, comment apprendre cette science. Et dans ce cadre-là qu'ils ont écrit des livres. Qu'ils ont écrit des livres, certains qui sont longs et développés, d'autres qui sont plus courts, et d'autres qui sont résumés. Et ils ont incité donc à apprendre la science de manière structurée, par étapes. Petit à petit, en commençant par ces livres résumés, qui sont la porte vers les livres plus longs et développés. Parmi ces livres qui sont résumés, tu en trouves dans chacun des domaines de la science. Tu en trouves dans le domaine de la aqida, le dogme islamique. Tu en trouves dans le domaine du fiqh. Également celui du hadith, dans les sciences du Coran. Ainsi que dans ce qu'on appelle les sciences outils, les fondements du fiqh, les fondements du hadith, les sciences liées à la langue arabe, la grammaire, et ainsi de suite. Et il est donc important d'apprendre la science et se présenter à l'apprentissage de la science par sa porte, c'est-à-dire en commençant donc par ces livres qui sont résumés. Comme l'a dit le poète, « Al-yawma ilmun wa ghadan mithluhu من نقط العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط. Aujourd'hui un peu et demain de même. Des perles de science qui sont cueillies, par lesquelles l'individu apprend une certaine sagesse et le torrent au final n'est que goutte réunie. De la même manière que le torrent, c'est au final qu'un ensemble de gouttes, de petites gouttes. Eh bien sache que la science c'est pareil. Si tu veux apprendre, eh bien il faut apprendre petit à petit. Et comme le disaient les salafs, celui qui recherche la science d'un bloc, il la verra partir de lui d'un bloc. Et en vérité, la science, elle ne s'acquiert qu'en patientant des jours et des nuits, donc petit à petit. Petit, petit à petit. Parmi ces livres-là, qui sont résumés et qui te permettent de comprendre, de commencer à comprendre cette science-là, et en particulier celle de la croyance, celle du dogme islamique, celle du tawhid, tu as ce livre qu'on va essayer d'étudier ensemble, incha'Allah ta'ala, après avoir terminé l'étude des leçons importantes pour l'ensemble de la communauté du Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ce livre-là, c'est le livre appelé Thalathatul Usul, les trois fondements. Les trois fondements. Et ce livre-là, il traite du tawhid, la base de la religion. Cette religion repose sur des piliers. Comme cela a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans nombreux hadiths. Dans de nombreux hadiths, notamment le hadith célèbre de Jibril alayhi salam, lorsqu'il s'est présenté au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sous forme humaine, et qu'il l'a questionné à propos de l'islam, en lui disant, informe-moi à propos de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a de répondre, l'islam, c'est que tu attestes que nul Dieu ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Que tu accomplisses la prière, que tu t'acquittes de la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu effectues le pèlerinage si tu en as la possibilité, la capacité. Donc tu trouves que le premier des piliers c'est l'attestation que nul Dieu ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. La ilaha illallah, nul Dieu ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Et c'est là le sens du tawhid. Comme cela a été rapporté de manière authentique, d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui relatait lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'ad vers le Yémen et qu'il lui a dit, tu vas te présenter à des gens du livre. Il l'avait envoyé donc en tant que prédicateur pour appeler à l'islam vers les gens du Yémen. Tu vas te présenter à des gens du livre. Fais en sorte que la première chose à laquelle tu les appelles, c'est l'attestation que nul Dieu ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Et dans une version de ce hadith, qu'ils unifient Allah. Il a un yuwahidullah, qu'ils unifient Allah. Tu tires comme enseignement de ces deux versions du hadith que le sens du tawhid, c'est le sens de la ilaha illallah. De même que tu tires de ce hadith que le terme tawhid, il fait partie des termes utilisés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce terme-là, il a été utilisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par certains de ses compagnons, radiyallahu anhum, ainsi que par les pieux prédécesseurs qui ont suivi, radiyallahu anhum. Et c'est donc un terme tout à fait légitime, et il n'y a aucun mal à l'utiliser, au contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a lui-même utilisé. Et donc il est important que tu accordes de l'importance à cette base-là, le tawhid. Et parmi les livres qui ont expliqué ce principe-là, en le détaillant, tu trouves les trois fondements de leur auteur, le Cheikh de l'Islam, Mohammed Ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, qui est un des grands savants de cette communauté, parmi les revivificateurs de la religion, qui a vécu au 12e siècle de l'Égypte, sachant que nous sommes au 15e. Il est né en 1115 et il est mort en 1206 de l'Égypte. Rahimahullah. Et ce livre-là, il a été expliqué et commenté par de nombreux savants. À l'écrit, ainsi que à l'oral. Et parmi les livres, les commentaires de ce livre-là, tu trouves par exemple « Hashiyatu thalathatil usul » du Cheikh Ibn al-Qasim, rahimahullah, qui n'est autre que le savant qui a réuni les fatwas du Cheikh de l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans le célèbre livre « Majmou' al-Fatawa ». Majmou' al-Fatawa, de même qu'il a réuni un grand nombre d'épîtres et de fatwas des savants du Najd, parmi lesquels Mohammed ibn Abdel Wahhab, ainsi que sa descendance, et de manière générale, donc les ulama de la da'wa au tawhid, qu'a connu la région du Najd dans la péninsule arabique, depuis le 12e siècle jusqu'au dernier. Et il a également écrit un certain nombre de commentaires, d'annotations, qu'il a apposées donc à certains livres, parmi lesquels « Hashiyat thalathatil usul » et de nombreux ulama ils l'ont commenté. C'est le cas du Cheikh Ibn Baz, c'est le cas du Cheikh Ibn al-Uthaymin, c'est le cas du Cheikh Mohammed Aman al-Jami, du Cheikh al-Fawzan, et de nombreux autres ulama qu'on n'aura pas la possibilité de citer, vu leur grand nombre. Et les ulama, de manière générale, ils ont différentes manières de commenter un livre. Le Cheikh Abdallah al-Bukhari, rahimahullah, il a résumé ces trois méthodes-là en disant, la première méthode, c'est d'expliquer les termes présents dans le livre, de manière succincte et résumée. Se contenter donc d'expliquer les termes présents dans le livre, de manière assez simple et résumée. La deuxième manière, la deuxième méthode, la deuxième approche, c'est similaire à la première, si ce n'est que cette fois-ci, le savant, qui se propose donc de commenter le livre en question, il va développer certains points importants. En plus de l'expliquer brièvement, il va développer donc certains points importants présents dans ce livre. Ça donc c'est la deuxième méthode, la deuxième approche. Et la troisième, c'est de développer chacun des points présents dans ce livre-là. Et c'est important de connaître cela. Pourquoi ? Car certains peuvent ne pas comprendre pourquoi certains livres qui à la base sont brefs et concis sont commentés de manière longue. Ils ne comprennent pas pourquoi certains ulama prennent du temps, par exemple, à expliquer des livres qui, au final, sont très courts. D'autres disent, pourquoi tel savant, quand il commente ce livre-là, il ne développe pas plus que ce qu'il ne le fait. Et il considère que ce n'est pas assez. Donc, il est important de savoir que l'objectif visé par le savant lorsqu'il commente un livre, il n'est pas toujours le même. Il y a plein de paramètres à prendre en considération, notamment le public qu'il a en face de lui. S'il a en face de lui un public averti, d'étudiants en sciences, ou est-ce qu'il a en face de lui un public débutant, parmi les gens de la masse, forcément donc la manière de s'exprimer va être différente. Et c'est là, en vérité, la manifestation de la pédagogie des ulama, qui savent à qui ils s'adressent et qui adaptent leur discours selon la personne à qui ils s'adressent, en développant lorsque il est opportun de développer et en restant concis lorsqu'il est opportun de le rester. Rahimahumullah, jami'an. Qu'Allah leur fasse miséricorde et qu'il préserve ceux qui sont encore en vie. Parmi ceux qui ont commenté ce livre, il y a le noble cheikh, le mufti du sud de la péninsule arabique, le savant du hadith, le cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, rahimahullah, qui fait partie des élèves du célèbre Hafiz al-Hakami, de même qu'il fait partie des élèves du noble et célèbre le cheikh Abdallah al-Qar'awi, rahimahullah. Et il faisait partie des savants, des ulama réputés. Et il a vécu donc à cette époque. Il est né en 1346 et il est mort il y a quelques années en 1429. Rahimahullah. Il a donc commenté ce livre-là. Son commentaire, il se rapproche plus de la première approche qu'on a citée. C'est-à-dire qu'il est resté dans la concision en expliquant donc brièvement les points abordés par l'auteur, le Cheikh Mohammed Ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire ce commentaire-là et la traduction qui en a été faite. Et on essaiera d'apporter quelques explications, de développer quelques points, en essayant quand même de rester dans la concision pour ne pas sortir donc de la méthode du Shir, rahimahullah ta'ala, et également, de temps en temps, si c'est nécessaire, lorsque l'occasion l'appelle, peut-être qu'on apportera quelques rectifications à la traduction, étant donné que la perfection revient à Allah subhanahu wa ta'ala, et que toute œuvre humaine est forcément sujet à l'imperfection, à l'erreur, à l'imprécision. Si jamais il y a un point et qu'il m'est apparu qu'il y a quelque chose à rectifier dedans, j'essaierai donc d'apporter la rectification en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider et de nous pardonner subhanahu wa ta'ala. Donc le frère, Inch'Allah, Abdel Ali, va essayer donc de nous lire le texte, et également le commentaire, et si on a quelque chose à apporter, bi'iznillah, on essaiera de le faire, en demandant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Samillah. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu salam ala rasulillah, amma ba'. Cheikh al-Islam Mohamed ibn Abdel Wahhab al-Tamimi a dit: sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est de notre devoir d'apprendre quatre choses. La première est la connaissance, al-ilm, qui consiste à connaître Allah, à connaître son prophète et à connaître l'islam avec les preuves. La deuxième chose qu'il est de notre devoir d'apprendre. Essaye de passer là au commentaire. Sans commentaire. Non. Non, passe directement au commentaire, tu lis le passage du texte, comme ils disent à chaque fois, ils ont séparé en disant texte original, et ensuite en disant commentaire. Non. Texte original, donc tu dis, le shir de l'islam Mohamed Abdallah a dit, et quand c'est le commentaire, donc pour bien faire la distinction, et que tout le monde puisse suivre, et comprendre, et faire la distinction donc, entre le texte et le commentaire, quand c'est commentaire, tu dis, le shir Najmi rahimahullah a dit en commentaire, ensuite tu lis donc le passage. Le Cheikh Najmi rahmahullah ta'ala a dit concernant le premier point. Essaie de parler plus fort que tout le monde t'entende. Le Cheikh Najmi rahmahullah dit concernant le premier point, sache qu'Allah te fasse miséricorde. Le terme sache a pour but d'attirer l'attention du lecteur. L'expression qu'Allah te fasse miséricorde est une invocation de la part de l'auteur qu'Allah le Très-Haut lui fasse miséricorde. Qu'il est de notre devoir, donc le point qu'il est de notre devoir, à nous, à qui certaines obligations ont été imposées, mukallafun, d'apprendre quatre choses, qui ont été tirées de la sourate Al-Asr, et qui sont, premièrement, la connaissance. La connaissance consiste à connaître Allah, connaître son prophète, et connaître l'islam par l'épreuve, car Allah subhanahu wa ta'ala, en jurant, dit « Wal asr, inna l'insana la fi khusr » par le temps, en vérité, l'homme est en perdition. Allah jure que les hommes sont tous perdus et égarés, à l'exception de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a lui-même exclu de son propos en disant, dans le verset suivant de la même sourate, « Sauf ceux qui ont la foi ». Or, la foi, al-iman, consiste à croire en quelqu'un ou en quelque chose. Et il ne peut y avoir de croyance, tasdiq, sans une connaissance préalable. Essaye de lire ici la note qu'il y a en bas. Il est nécessaire de lire ce qu'écrit à ce sujet Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans Majmou al-Fatawa, volume 7, page 122 et suivante. Il y cite ceux des gens de la Sunna, Ahl-Sunna, qui affirment que la foi, dans la langue arabe, est le fait de croire. Et Ibn Taymiyyah penche lui-même vers cette opinion. Note de l'éditeur. On reviendra sur ce point, Inch'Allah, tout à l'heure. On continue. Et il ne peut y avoir... Tout le monde entend ? On demande à Abdelali de monter le son. Tout le monde entend ? Vous suivez ? Taïb. Là, c'est surtout pour vous. Naam. Et il ne peut y avoir de croyance tasdiq sans une connaissance préalable. Autrement dit, la foi implique nécessairement de croire en quelque chose de connu, c'est-à-dire ce que nous connaissons. De même, la connaissance vient nécessairement avant la parole, al-qawl, et les actes, al-amal. Donc ils, les hommes, qui ne sont pas égarés, ont foi en quoi ? Ils ont foi en Allah. Premièrement, foi en son existence, et qu'il est le Seigneur de toutes choses. Al-Rububiyya. Deuxièmement, foi qu'il est la seule divinité digne d'être adorée, al-Uluhiyya. Et troisièmement, foi en ses noms et attributs, et qu'il règne en maître absolu sur la création. Donc l'auteur a expliqué la connaissance par les paroles d'Allah, sauf ceux qui ont foi, c'est-à-dire qu'ils savent et croient. De ces paroles, sauf ceux qui croient, ceux qui ont foi, le shirk a tiré la notion de connaissance. Autrement dit, ils ont cru et agi en fonction de cette connaissance. La foi implique donc nécessairement la connaissance. Car la foi, qui consiste à croire en quelqu'un ou quelque chose, ne peut concerner qu'une chose connue. Le segment qui consiste à connaître Allah. Or, comment connaître Allah ? Réponse. Naturellement, bil fitra, l'homme a une connaissance générale d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque créature sait de cette science certaine qu'Allah l'a créée. Et ceux qui, en apparence, renient cette réalité, comme les athées, savent en réalité avec certitude au fond d'eux-mêmes qu'Allah est le créateur et leur créateur. Quant à la connaissance détaillée d'Allah, elle n'est possible que par l'intermédiaire des messagers envoyés par Allah aux hommes. Le Très-Haut a dit, faut lire en arabe. Vas-y. Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rasulun minkum. Rasulun minkum. يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ô fils d'Adam, si des messagers issus de vous viennent vous exposer mes signes, alors sachez que ceux qui craignent Allah et sa monde ne connaîtront ni crainte ni tristesse. Par conséquent, une connaissance détaillée d'Allah n'est possible que par l'intermédiaire des messagers, qu'Allah fasse leurs éloges. Et notre religion, à travers le livre, le Coran et la Sunna, suffit largement en cela. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a montré et enseigné toutes choses dans le livre, le Coran, qu'il a révélé à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Or, le principal et le plus important de ces enseignements est la connaissance d'Allah. Allah s'est fait connaître à ses créatures par des preuves cosmologiques, kauniya, et à travers ses versets coraniques. Le Très-Haut a dit « Inna Allah yumsiku as-samawati wal-ard أن تزول ولئن زالتا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. Allah maintient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas, et s'ils s'affaissent, nul autre après lui ne pourrait les soutenir. Il est plein de mansuétude, Halim, et il est celui qui pardonne, Ghafour. Et le Très-Haut a dit: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Ils n'ont pas estimé Allah sa juste valeur, alors que le jour de la résurrection, il fera de la terre entière une seule poignée, tandis que les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire et pureté à Allah. Il est bien au-dessus de ce qu'il lui associe dans son adoration. Ainsi que d'autres versets par lesquels Allah s'est lui-même décrit à ses créatures. Le Très-Haut a dit: سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وأولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils deviennent évident pour eux que ceci est le Coran et la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Donc Allah s'est décrit lui-même en nous indiquant qu'il a une essence, des attributs et qu'il est le vrai Dieu, le seul qui doit être adoré. À travers ces versets, nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe, qu'il est élevé au-dessus de son trône, séparé de ses créatures, et qu'il connaît chaque lieu. Il nous a enseigné qu'il est unique et qu'il est le seul créateur et le seul à dispenser les bienfaits. Le Très-Haut a dit: أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. Quel est donc celui qui assurera votre subsistance si Allah retient ses dents? Mais ils s'obstinent dans leur insolence et leur répulsion. Il nous a informé en se décrivant lui-même qu'il possède les plus beaux noms et les attributs les plus élevés. Il est élevé dans son essence, dans son pouvoir et sa puissance, et dans sa capacité à soumettre ses créatures à sa volonté. Telle est donc la connaissance d'Allah qui doit conduire ses créatures à lui vouer un culte exclusif, à n'invoquer que lui, ou encore à ne fonder leurs craintes et leurs espoirs que sur lui. Le Très-Haut a dit: ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. Et n'invoque nulle autre divinité avec Allah, il n'y a de divinité que lui. Tout est voué à périr, excepté sa face, le jugement lui appartient et vers lui vous serez ramené. Barakallahu fi. Donc ici, dans le passage que le frère Jazakallahu Khairan nous a lu, on a pu commencer donc à voir que le shir, l'auteur, Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, a commencé donc par Bismillahir Rahmanir Rahim, donc al-Basmala. Et dans cela donc, Il s'est basé sur le modèle du Coran, ainsi que celui de la Sunna. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il commençait donc les lettres qu'il envoyait vers au roi, par exemple. Il a commencé donc par Al-Basmala. Et c'était également donc la Sunna des prophètes avant lui, comme on peut le voir dans Surat An-Naml, lorsque Bilqis a reçu la lettre de Sulayman, elle a dit: Innahu min Sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Il vient certes de la part de Sulayman. Et il commence par bismillahir rahmanir rahim. Puis il a dit: sache qu'Allah te fasse miséricorde qu'il est de notre devoir d'apprendre quatre choses. La première est la connaissance, al-ilm, qui consiste à connaître Allah, à connaître son prophète et à connaître l'islam avec l'épreuve. C'est comme ça donc que le traducteur Jazahullahu Khaira a traduit ce passage. Et si il avait traduit al-ilm par la science ou le savoir, cela aurait été préférable, afin de distinguer entre le terme ilm et ma'rifa. Et ici donc il a traduit le terme ilm et le terme ma'rifa de la même manière, par la connaissance. Dans ce contexte-là, dans cette phrase-là, ça ne pose pas de problème. Mais ça risque de poser problème plus tard. Notamment lorsque tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est décrit par al-ilm. Mais on ne le décrit pas par al-ma'rifa. En français, donc, si tu traduis les deux termes de la même manière, ça risque de poser problème plus tard et de semer la confusion. Même si ici, en vérité, il n'y a pas de souci, étant donné qu'il parle de ce qui est relatif à la créature. Et la créature, donc, tu peux la définir, la décrire par al-ilm, de la même manière que tu peux la décrire par al-ma'rifa. Et en français, donc, il n'y a pas de problème à dire le savoir et la connaissance concernant l'être humain. Donc, ça aurait peut-être été préférable, ici, de dire la science ou le savoir, afin de faire la distinction. Même en français. Le commentateur, le Nabrashir al-Najmi rahimahullah, il a dit: sache qu'Allah te fasse miséricorde. Le terme sache a pour but d'attirer l'attention du lecteur. Donc quand il te dit sache, il attire l'attention du lecteur vers l'importance de ce qui va suivre. L'expression qu'Allah te fasse miséricorde est une invocation de la part de l'auteur. Qu'Allah le Très-Haut lui fasse miséricorde. Et c'est une expression de la compassion qu'il a pour la personne à qui il s'adresse, pour le lecteur, pour la personne qu'il est en train d'appeler à la vérité. C'est là une manifestation, une expression de cette compassion que l'auteur éprouve pour son prochain. Et de manière générale, ça reflète la compassion qu'éprouvent les ulama envers cette communauté. Et nous, il nous incombe de répondre à cela également par de la bienfaisance, par de bonnes manières. De la même manière que l'auteur, il invoque en ta faveur, invoque-toi également en sa faveur. Lorsque tu le cites, n'hésite pas à demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui fasse miséricorde. S'il est vivant, qu'il le préserve, qu'il lui accorde le paradis. Et ça fait donc partie des bonnes manières que l'on doit observer vis-à-vis des ulama. Et de manière générale, ça fait partie des bonnes manières par lesquelles nous devons nous parer avant même d'aspirer à l'apprentissage. Ibn Sirin, Muhammad Ibn Sirin, qui faisait partie des ulama de la deuxième génération de l'islam, il disait, ils apprenaient, donc en parlant des salafs qui l'ont précédé, puis prédécesseurs, ils apprenaient les bonnes manières avant même d'apprendre la science. Et Ibn al-Mubarak disait, nous sommes dans un besoin plus impératif d'apprendre quelques bonnes manières que d'apprendre beaucoup de science. Nous sommes dans un besoin plus impératif d'apprendre quelques bonnes manières que d'apprendre beaucoup de science. Le Shir de continue en disant qu'il est de notre devoir, à nous, à qui certaines obligations ont été imposées, d'apprendre quatre choses. Donc, il est de notre devoir, on a des devoirs, des obligations que l'on doit observer, que l'on doit respecter. Également dans le savoir, dans la science. Dans la science, il y a des choses que tu dois connaître obligatoirement. que tout musulman se doit de connaître. Et tu en as d'autres qui, malgré leur importance, étant donné que toute la religion est importante, et tous les domaines de la religion sont importants, mais tu en as qui le sont plus que d'autres. Et tu en as qui est obligatoire d'apprendre et de connaître, et tu en as d'autres qui sont secondaires. Et tu en as d'autres qui sont secondaires. Qu'est-ce qui est obligatoire et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Imam Ahmed, rahimahullah, lorsqu'il a été questionné, il a dit « Il est obligatoire à l'individu d'apprendre ce par quoi il va adorer son Seigneur chaque jour, sa prière, sa zakat, c'est-à-dire l'aumône obligatoire qui est imposée, avec les conditions bien sûr, et ainsi de suite. Et ainsi de suite, parmi les choses par lesquelles l'individu s'acquitte de ce qui lui est obligatoire dans sa religion. Ce qui était obligatoire dans ta religion, eh bien, était obligatoire de l'apprendre et de savoir, de connaître les règles qui y sont relatives. Et à la tête de cela, il y a le dogme islamique, la croyance, le tawhid. Le tawhid qui est la première des obligations. La première des obligations, c'est le tawhid. Unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. C'est là la première des obligations. Et c'est donc la première des choses que tu te dois d'apprendre. Parmi ces choses qui sont obligatoires d'apprendre, il y a quatre choses qui ont été tirées de la sourate Al-Asr et qui sont, premièrement, Al-Ilm. Donc, qu'on traduira par la science, le savoir. Et on a attiré l'attention vers un point concernant la traduction. Et donc, vous le gardez à l'esprit, donc, le restant du livre. Ce qui nous dispensera, donc, de le répéter à chaque fois. Étant donné qu'ici, donc, ils ont à nouveau dit, donc, la connaissance. Donc, choisira plutôt, donc, le fait de dire la science ou le savoir. La connaissance consiste à connaître Allah, connaître son prophète, et connaître l'islam par l'épreuve. Car Allah, en jurant, dit « Wal asr, inna l'insana lafi khusr » Par le temps, en vérité, l'homme est en perdition. Allah jure que les hommes sont tous perdus et égarés, à l'exception de ce qu'Allah a lui-même exclu de son propos, en disant dans le verset suivant de la même sourate « Illa alladhina amanu » Sauf ceux qui ont cru. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit « Tous les hommes sont dans la perdition. » Et ensuite, il a exempté de cette perdition-là ceux qui se caractérisent par certaines caractéristiques, par certains attributs. Quels sont ces attributs-là? Quelles sont ces caractéristiques-là? C'est au nombre de quatre. Et c'est celles qui ont été résumées par l'auteur lorsqu'il a dit, donc, dans un premier temps, la science. Et ce point-là, la science, il est inclus dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont foi. Taïb, dans quel sens cette parole inclut la science, étant donné qu'ici, il est fait mention de la foi, il n'est pas fait mention de la science. Le commentateur, le Sheikh Najmi, te répond en disant, or la foi, al-iman, consiste à croire en quelqu'un ou en quelque chose. Et il ne peut y avoir de croyance, tasdiq, sans une connaissance préalable. C'est-à-dire que si tu veux avoir foi en quelque chose, impérativement, avant cela, eh bien, il faut que tu aies une certaine science la concernant. Et c'est ainsi donc que la foi inclut forcément cette science-là. Ici, l'éditeur donc de la version arabe, il a rajouté une petite note de bas de page en disant il est nécessaire de lire ce qu'a écrit à ce sujet Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa, le volume 7, page 122 et suivante. Il y cite ceux des gens de la Sunna qui affirment que la foi dans la langue arabe est le fait de croire. Non, Ici, le Cheikh Najmi rahimahullah, il a dit, or la foi al-iman consiste à croire en quelqu'un ou en quelque chose. Donc, il a limité le sens de la foi dans son acception linguistique, dans son sens linguistique, à quoi ? Au fait de croire en quelque chose. La foi, donc, c'est croire en quelque chose. Et parmi les gens de la sunna, il y en a qui ont penché vers cette définition-là, cette définition linguistique qui a été citée par le Shir al-Najmi ici. Et ils ont été cités par le Shir de l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans Majmou' al-Fatawa. C'est-à-dire les gens de la, ceux parmi les gens de la sunna qui ont défini la foi de manière linguistique comme étant le simple fait de croire « et-tasdiq ». Et dans ce même passage-là, le Cheikh de l'Islam il explique que cette définition-là, même linguistiquement, elle n'est pas complète. Et il dit qu'il est impératif de rajouter à tasdiq, donc le fait de croire, qu'il est impératif de rajouter al-iqrar. Qu'est-ce que c'est que al-iqrar ? Al-iqrar, c'est de confirmer une chose. En plus de croire, c'est confirmer. Donc, al-tasdiq, fait de croire dans le cœur, et le fait de confirmer, c'est confirmer avec quelque chose, avec un acte. Et il a expliqué donc, en se basant sur plusieurs arguments, il a expliqué que même de manière linguistique, la foi, al-iman, c'est at-tasdiq, le fait de croire avec le cœur, et également le fait de confirmer cette chose-là, al-iqrar. Donc si on te demande quelle est la définition la plus juste de la foi dans la langue arabe, réponds at-tasdiq wal-iqrar, le fait de croire et de confirmer. Non. Il a également répondu à certains arguments tenus ou avancés par les Murji'a, qui est une secte qui s'est égarée dans le domaine de la foi, en excluant de la définition de la foi dans la religion, en excluant donc les actes. Et ils ont dit que la foi c'est quoi ? C'est juste une croyance du cœur et une parole avec la langue. Et ils n'ont pas compté les actes comme faisant partie de la foi. Parmi les arguments sur lesquels ils se sont basés, ils ont dit, dans la langue arabe, la foi c'est uniquement at-tasdiq. C'est uniquement le simple fait de croire. Et donc ils ont dit à partir de là, dans la religion c'est pareil. Et le Cheikh de l'Islam a répondu à cela. Et il n'y a pas de doute que ceux des gens de la sunna qui ont défini dans la langue arabe la foi comme étant le simple fait de croire, at-tasdiq, quand ils ont abordé la définition religieuse de la foi, ils ont dit, c'est une croyance du cœur, une parole avec la langue et des actes avec les membres. Il n'y a pas de doute sur ça. Ça augmente avec l'obéissance à Allah et ça diminue par sa désobéissance. Mais juste, il a eu donc ce petit point donc linguistique. Ce petit point linguistique vers lequel a attiré l'attention le Cheikh de l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dans ce passage donc de Majmou' al-Fatawa. Le traducteur a dit, donc je relis cette note-là, la traduction donc de la note-là, il est nécessaire de lire ce qu'a écrit à ce sujet le Cheikh de l'Islam, Ibn Taymiyyah, dans Majmou' al-Fatawa. Il y cite ceux des gens de la sunna qui affirment que la foi dans la langue arabe est le fait de croire, c'est-à-dire le simple fait de croire, « tasdiq ». Puis il a rajouté, et Ibn Taymiyyah penche lui-même vers cette opinion, et cette traduction-là est une mauvaise traduction de la parole de l'éditeur. L'éditeur, il a dit l'inverse. L'éditeur, il n'a pas dit ça. L'éditeur, il a dit, « wa fihi tarjihu shaykh al-islam ». Et ce passage-là contient l'avis qu'a fait prévaloir le cheikh de l'islam, donc Ibn Taymiyyah. Si tu retournes justement à ce passage-là, mais tu te rends compte que certes, il mentionne des gens de la sunna qui ont été d'avis que la foi, dans son sens linguistique, c'est uniquement at-tasdiq, mais il ne penche pas du tout vers cet avis. Au contraire, il le réfute. Au contraire, il le réfute. Donc ici, j'attire votre attention vers ce point-là, et qu'il est important donc d'être au courant de cela. Barakallahu fikum. Naam. Et le Cheikh Najmi, dans une édition qui a suivi, il a également apporté donc une annotation à ce passage-là. Et il a expliqué en fait pourquoi il avait dit ça. Il a expliqué qu'en fait, quand il a expliqué ce livre, Les Trois Fondements, il s'adressait à un public débutant. Et il a voulu donc simplifier la chose. Et il n'a pas voulu rentrer dans la question tasdiq, iqrar, foi, croyance du cœur, confirmation. Donc il a voulu simplifier la chose. Et ce qui prouve cette chose-là, c'est que juste après, quand il a défini la foi dans son sens religieux, eh bien il a dit que, comme on va le voir, elle implique nécessairement de croire en quelque chose, à quelque chose de connu. Et il a dit par la suite, il a défini la foi comme l'ont défini les gens de la sunna, comme on va le lire, bi-idhnillah. Il a dit de même, la connaissance vient nécessairement avant la parole et les actes. Donc, ils, c'est-à-dire les hommes qui ne sont pas égarés, ont foi en quoi? Eh bien, ils ont foi à Allah. Et ensuite, il a défini ce qu'est la foi à Allah. Et on l'avait vu donc dans les leçons importantes. Qu'est-ce que c'est que la foi à Allah? Il a dit premièrement, foi en son existence et qu'il est le Seigneur de toutes choses. Deuxièmement, foi qu'il est la seule divinité digne d'être adorée. Et troisièmement, foi en ses noms et attributs, et qu'il règne en maître absolu sur la création. Et également, le Shir, dans son commentaire, a abordé un point important. Et il a posé la question, il a dit, or, comment connaître Allah? Comment connaître Allah? Réponse, naturellement, c'est-à-dire bil fitra, par la disposition naturelle, par la saine nature, el fitra. L'homme a une connaissance générale d'Allah. Chaque créature sait, de science certaine, qu'Allah l'a créé. Comme cela a été mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit, tout nouveau-né voit le jour, doté d'une saine nature. Et c'est ensuite ses parents qui en font un juif, un chrétien, et ainsi de suite. Mais tout nouveau-né, donc, il voit le jour sur la saine nature. Donc, en ayant une connaissance générale d'Allah, en reconnaissant la seigneurie d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'il est le créateur, et c'est ensuite cette saine nature qui vient être altérée par l'entourage, ou qui est préservée. Et ceux qui en apparence renient cette réalité, comme les athées, savent en réalité avec certitude, au fond d'eux-mêmes, qu'Allah est leur créateur. Quant à la connaissance détaillée d'Allah, elle n'est possible que par l'intermédiaire des messagers envoyés par Allah aux hommes. Le Très-Haut dit, « Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati, faman ittaqa wa aslah, fala khawfun alayhim. » Wallahum yahzanun, ô fils d'Adam. Si des messagers issus de vous viennent vous exposer mes signes, alors sachez que ceux qui craignent Allah et s'amendent et réforment ne connaîtront ni crainte ni tristesse. Donc tu as cette connaissance générale à la base, qui ensuite vient être détaillée par l'envoi des messagers. Et par le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala suscite au sein de ses créatures des messagers qui expose les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, une connaissance détaillée d'Allah n'est possible que par l'intermédiaire des messagers, qu'Allah fasse leurs éloges. Et notre religion, à travers le livre, Coran et la Sunna, suffit largement en cela. En effet, Allah a montré et enseigné toutes choses dans le livre, le Coran, qu'il a révélé à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Or, le principal et le plus important de ces enseignements est la connaissance d'Allah. C'est là le plus important, et c'est là la chose la plus précieuse. Comme il a été dit par un salaf, il disait, les esclaves de ce bas monde l'ont quitté, et ils n'ont même pas goûté à la meilleure des choses qu'il contenait. Il lui a été dit, et c'est quoi la meilleure des choses qu'il contient? Il a répondu, c'est la connaissance d'Allah. C'est la connaissance d'Allah, donc c'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus précieuse, c'est la chose la plus délicieuse. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah s'est fait connaître à ses créatures, donc comme le dit le shir, par des preuves cosmologiques, kauniyya, à travers ces versets coraniques. Et il faut savoir que les preuves, elles sont de deux sortes. Celles qui sont, comme l'a traduit donc traducteur, donc cosmologiques, kauniyya, c'est-à-dire qui sont relatives à la création. Les signes que tu vois. Naam, à la création. Les cieux, les terres, les mers, les montagnes et la grandeur de ces créatures-là te prouvent la grandeur de celui qui les a créées, subhanahu wa ta'ala. Et tu as également des preuves textuelles. Les preuves textuelles, c'est-à-dire tirées du Coran et de la Sunna. Et tu as également parmi ces preuves textuelles des preuves qui font mention de preuves cosmologiques, comme c'est le cas donc dans certains versets où Allah subhanahu wa ta'ala, il démontre sa grandeur, il démontre le fait qu'il doit être unifié dans son adoration, il démontre sa perfection par des preuves cosmologiques dont il fait mention. C'est le cas donc dans sa parole subhanahu wa ta'ala, inna allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahad min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Allah maintient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas, et s'il s'affaissait une autre après lui ne pourrait les soutenir. Il est plein de mansuétude et il est celui qui pardonne. Et il dit également, subhanahu wa ta'ala, وَمَا قَدَرُ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur, alors que le jour de la résurrection, il fera de la terre entière une seule poignée, tandis que les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire et pureté à Allah. Il est bien au-dessus de ceux qui lui associent dans son adoration. Ainsi que d'autres versets par lesquels Allah s'est lui-même décrit à ses créatures. Notamment donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'a cité ici le shir, سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il devienne évident pour eux que ceci est la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Le commentateur de continue en disant donc, Allah écrit lui-même en nous indiquant qu'il a une essence, des attributs, et qu'il est le vrai Dieu, le seul qui doit être adoré. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul Dieu qui mérite l'adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est décrit à ses créatures dans son noble livre, ainsi que par la bouche de son messager, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, comme cela nous a été rapporté dans la sunna authentique. Et ainsi nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une essence, that. Ainsi que des attributs, sifat, comme l'a mentionné le commentateur, rahimahullahu ta'ala. Et nous savons également, et nous connaissons également Allah subhanahu wa ta'ala par ses actes. Nous connaissons Allah subhanahu wa ta'ala par ce qu'il s'est décrit dans son noble livre et par la bouche de son messager sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna authentique. À travers ces versets, nous savons qu'Allah existe, qu'il est élevé au-dessus de son trône. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône, séparé de ses créatures, et qu'il connaît chaque lieu. Il nous a enseigné qu'il est unique et qu'il est le seul créateur et le seul à dispenser les bienfaits. Le Très-Haut dit Amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi 'utuwin wa nufur. Quel est donc celui qui assurera votre subsistance si Allah retient ses dons? Mais ils s'obstinent dans leur insolence et leur répulsion. Il nous informait en se décrivant lui-même qu'il possède les plus bons noms et les attributs les plus élevés. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Et à Allah reviennent les plus bons noms. Invoquez-le donc par ses noms. Et écartez-vous de ceux qui blasphèment concernant ses noms. Donc Allah, il a les plus bons noms, ainsi que les attributs les plus élevés. Le commentateur a dit, il est élevé dans son essence, dans son pouvoir et sa puissance, et dans sa capacité à soumettre ses créatures à sa volonté. Ici donc, il a parlé de Al-Ulu, l'élévation. Il a parlé d'Al-Ulu, l'élévation. Et il a fait référence aux trois types d'élévation. Ulu al-Dhat, wa ulu al-Qadr, wa ulu al-Qahr. Ulu al-Dhat, il a été traduit ici par il est élevé dans son essence. Donc c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il soit élevé par son essence, par son être. Comme il a dit et comme il en a informé dans son noble livre, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Dans plusieurs passages de son noble livre, il a fait mention de cette élévation-là. Et il y a de nombreuses preuves qui vont dans ce sens-là. Notamment lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ » Et il est le grand dominateur au-dessus de ses serviteurs. Et il est le grand dominateur au-dessus de ses serviteurs. Dans cette parole-là, on retrouve deux types d'élévation. L'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala par son essence, le fait que par son être, il soit au-dessus de ses créatures, ainsi que son élévation dans le sens de la capacité qu'il a à soumettre ses créatures à sa volonté. Ce qu'on appelle ulu al-qahr. Donc dans ce verset-là, wa huwa al-qahir fawqa ibadi, il est le grand dominateur au-dessus de ses serviteurs, tu trouves ces deux types d'élévation-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de par son être, il est au-dessus de ses créatures. Il est au-dessus du trône. Et également, il est élevé dans le sens de la capacité qu'il a à soumettre ses créatures à sa volonté. Et également, il est élevé dans ses attributs. Ce qu'on appelle en arabe « ulu qadr ». Tu peux également dire cela, l'exprimer en disant « ulu sifat ». Il est élevé au-dessus de ses créatures. Il est élevé dans le sens où ses attributs sont élevés. Et on retiendra plutôt cette autre traduction, c'est-à-dire élevé par ses attributs, et on l'utilisera à la place de élevé dans son pouvoir et sa puissance, comme l'a dit le traducteur, étant donné que « ulu al-qadr » alors « ulu al-sifa » comme on l'a traduit, donc c'est par ses attributs, le fait de le traduire par ses attributs, c'est plus large que le fait de dire dans son pouvoir et sa puissance. Dans son pouvoir et sa puissance. Naam. Et cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit te mener à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, et ça doit te mener à reconnaître le droit exclusif qu'il a d'être adoré. Le droit exclusif qu'il a d'être adoré. Le fait que tu connaisses la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça doit te mener impérativement à reconnaître sa perfection, na'am, et donc à l'adorer exclusivement. Et donc à l'adorer exclusivement. Puis, l'auteur, le commentateur, rahimahullah, a dit, deuxièmement, connaître son prophète. Donc là, on reste dans le premier point. Et c'était donc quoi? La connaissance. On avait dit donc la science, le savoir. Et l'auteur, il a dit, c'est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète et la connaissance de l'islam avec les preuves. Le deuxième point, donc, c'était connaître son prophète. Le Cheikh Najmi, rahimahullah, a dit, connaître le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est savoir qu'il est le messager d'Allah, qu'il a envoyé à tous les hommes afin de les faire sortir des ténèbres vers la lumière. Telles sont les exigences de la foi de tout musulman. Ici donc le Cheikh, il a expliqué de manière très concise en quoi consiste la connaissance du prophète, sachant que cela va être par la suite développé par l'auteur et également par le Cheikh lui-même. Rahimahum Allah, qu'Allah leur fasse à tous deux miséricorde. Troisièmement, connaître l'islam avec les preuves. Connaître l'islam avec les preuves. C'est-à-dire savoir que telle chose est obligatoire. Wajib, comme l'établit telle preuve. Dalil, donc quand on dit preuve, c'est dalil. Que tel autre est illicite. Muharram, comme démontre telle preuve. Recommandé, mustahab, comme l'indique telle preuve. Répréhensible, makruh, comme le montre telle preuve. Autorisé, mubah, comme l'atteste telle preuve. C'est pourquoi la science des fondements de la jurisprudence, usul al-fiqh, définit la jurisprudence islamique, al-fiqh, en ces termes. Il s'agit de la connaissance des statuts ou règles juridiques, ahkamu shar'iyya, à partir de leurs preuves détaillées. Ici, le commentateur, rahimahullah, il a cité donc les différents jugements religieux des paroles et actes et croyances, des paroles et actes. Des paroles et actes, na'am. Qui sont donc au nombre de cinq. Ce qui est obligatoire, wajib. Ce qui est recommandé, mustahab. Ce qui est mubah, autorisé. Ce qui est répréhensible, makruh. Et ce qui est interdit, muharram. Et on aura l'occasion, inshallah, d'expliquer cela plus en détail. Dans un autre contexte, bi'idhnillah. Et également, donc, il a attiré l'attention vers le fait que il faut se baser pour affirmer que telle chose est obligatoire, telle chose est simplement recommandée, telle chose est uniquement permise, l'autre est répréhensible, ou telle autre est interdite, il faut que tu te bases sur des preuves. Quelles sont les preuves? Elles ont été résumées par le Cheikh Hafid al-Hakami lorsqu'il a dit Adillatu shar'i sharifi arba'a, muhkamu ayin sunnatun muttaba'a, wa thalithu al-ijma'u haythu yanjali, wa rabi'u al-qiyas, wa khususi al-jali. Le Coran, la sunna, na'am, al-ijma', c'est-à-dire l'avis unanime, le consensus des ulama, et ainsi que l'analogie, al-qiyas. En te basant sur ces quatre preuves-là, tu vas pouvoir affirmer que tel acte est obligatoire ou uniquement recommandé, ou alors il est juste permis, et ainsi de suite. C'est pourquoi la science des fondements de la jurisprudence ou sur l'al-fiqh définit la jurisprudence islamique al-fiqh en ces termes. Il s'agit de la connaissance des statuts ou règles juridiques, ahkam shar'iyya, à partir de leurs preuves détaillées. Ici donc, comme c'est le cas bien souvent, le traducteur, hafidhahullah, a choisi de traduire le terme fiqh par jurisprudence. Et cette traduction-là n'est pas bonne. Et à éviter. Pourquoi? Car la jurisprudence, dans la langue française, na'am, elle a deux sens. Un sens qui est vieilli et qui n'est plus très utilisé, qui correspond au droit. C'est-à-dire le droit, ce qui concerne les litiges entre les gens. Et ce qui régit donc les relations sociales. Dans le sens qui est plus courant actuellement, la jurisprudence, c'est un ensemble de lois donc qui est mise en place par des humains. Qui est mise en place par des humains. D'autant plus que tu dis que il y a eu jurisprudence lorsque tu as des hommes de loi, par exemple, de droit, je ne sais pas exactement comment on explique ça, comment on exprime cela en français, qui mettent en place une loi qui est en opposition avec ce qui était en vigueur auparavant. Donc il y a cette notion de modification. Alors que al-fiqh, c'est quoi? Et c'est comme il a défini le Cheikh al-Najmi, et comme l'a traduit donc ici le frère Hafidhahullah, Jazallahu Khaira, il s'agit de la connaissance des statuts ou règles juridiques relatives donc à la religion à partir de leurs preuves détaillées. Et ça c'est vaste. Naam. En concernant à la fois les adorations que le serviteur donc il accomplit pour son Seigneur, Jalla wa Ala. Ça concerne également les relations sociales. Donc c'est beaucoup plus vaste. Et c'est tiré des preuves détaillées. Et les preuves détaillées, c'est quoi? Eh bien, c'est les preuves qu'on a citées tout à l'heure. Coran, la sunna, le consensus et l'ijma, et l'analogie, qui au final donc revient au texte. Donc al-fiqh, c'est quoi? C'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le problème, on pourrait se dire, c'est juste un détail. Mais malheureusement, tu as des gens qui ne sont pas avertis, qui ne connaissent pas beaucoup la religion, qu'ils soient musulmans ou pas, qui pensent que le fiqh, ce sont des lois qui ont été instaurées uniquement par des savants, des ulama, et qui n'ont pas conscience qu'à la base, c'est tiré du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc déjà c'est pas correct, et également ça peut avoir de très mauvaises répercussions dans la compréhension de ce qu'est al-fiqh. Donc ce terme là il n'est pas évident à traduire, c'est pour ça qu'on le laisse tel quel, et qu'on utilisera donc le terme fiqh, et qu'on évitera donc de le traduire par jurisprudence. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين